Dans Pop & Rock sur la trail locale Radio Val de Rhin, on aime gratter et chercher les chemins de traverse du rock. Et ce qui est génial, c'est qu'on y rencontre des gars comme Alex Mas qu'on vient d'écouter, qui parfois prend la poudre d'escampette, car d'habitude, Alex Mas c'est plutôt estampillé des Black Angels, qui arrivent tout de suite avec Science Killer. We'll be right back. Dans les années 80, lorsque dans un groupe, un des membres s'essayait à d'autres aventures musicales, on le disait traite, on disait que le groupe avait splitté. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, on se délecte, on attend les albums solo, en sachant que ce n'est qu'une promenade avant de retrouver les copains. C'est le cas de Dan Auerbach, qui pour quelque temps a délaissé les Black Keys. Dan Auerbach avec The Prowl, mais lorsque Dan retrouve Pat Carnett, son batteur préféré, ça donne les Black Keys, avec notamment un de mes titres préférés, Little Black Submarines, que je vous offre tout de suite en version live. They get lost and out of time. Comme tous les lundis entre 17h et 18h sur la très locale Radio Val de Rhin. Down a mountain. Allez, petite énigme, qui c'est ce mec? Vous le connaissez? Si, si, vous le connaissez même quand il abandonne, ça serait. Ça vous dit rien? Réfléchissez, pourtant vous ne connaissez que lui, surtout si je vous envoie ça. Dans l'histoire du rock, il n'y a pas que ces grosses têtes qui, après un succès d'estime de leur groupe, rêvent de consécration planétaire en solo. Il y a aussi les supergroupes. Prenez Josh Homme, Dave Grohl et Trent Reznor et vous écoutez Mantra. Dans Mantra, il y avait donc Josh Homme, plus connu avec son groupe Queen of Stone Age que pour ses duos avec PJ Harvey. On envoie donc No One Knows des Queen of Stone Age. Ce soir, foncez sur la page Facebook de Pop & Rock, les petits enfants du rock. Run and tell all of the angels, this could take all night. Think I need a devil to help me get things right. Open up a new revolution, 'cause this one is a lie. We sat around laughing, watched the last one die. It can wait one night. Give it all away if you give me one last try. And we'll live happily ever trapped if you just save my life. Run and tell the ages of everything. Alright! Look into the sky to see me. Looking for a sign of life. Looking for something to help me burn out good. Looking for a complication. Looking for a tide of trying. Make my way back home and I learn to fly. Make my way back home and learn to. Along with me, I can't quite make it alone. Try to make this life my own. Fly along with me, I can't quite make it alone. Try to go. Look into the sky to see me. Looking for a sign of life. Looking for something to help me burn out right. Looking for a complication. Looking for the tide of time. Make my way back home and home to you. Looking to the sky, save it. Looking for a sign of life. Looking for something to help me find out right. Looking for a complication. Looking to the tide of time. Dave Grohl, alors lui il décolle à la guitare avec ses Foo Fighters alors qu'il était déjà entré au Panthéon du Rock à la batterie grâce à ce groupe. Oh, De temps en temps, des artistes vont faire des piges dans l'album d'autres groupes, et ce qui suit un étrange mélange. En effet, Amy Taylor hurle, saute et crie dans le dernier album des prolétaires du punk rock anglais des Sliphermods, mélange détonnant avec le titre Nudge It. Mélange donc détonnant avec les Sliphermods, parce que Amy Taylor, la douce dingue australienne, lorsqu'elle rentre chez elle pour retrouver ses Sniffers, ça donne plutôt ça. Heavenly.